Et moi, je suis toujours l'impression d'être un ovni quand Sophie m'invite quelque part, mais j'adore ça, j'apprends toujours plein de choses et j'apporte moi mon regard et ce qu'on fait nous en biologie. On a toujours été des très mauvais élèves sur l'entrée dans les carrières, parce qu'en fait, en biologie, nous, on considère l'entrée dans la carrière quand on a un poste, en gros. Avant, on est en formation. Et les biologistes ont toujours eu un temps de formation extrêmement long et lent. Alors que, un ethnologue, je pense que dès sa première année de thèse, il se considère comme un ethnologue, un biologiste, tant qu'il n'a pas son poste. Là, c'est la thèse, surtout en ethnologie. Parce qu'encore en sociologie, vous avez des agrégés, etc., mais on n'a pas d'agrégés. Donc nous, on a toujours eu cette culture d'une thèse plus ou moins longue, donc qui a tendance quand même, avec les réformes, à se raccourcir. Et je pense que c'est un bien, et une très longue période postdoctorale avant le recrutement, avec un passage à l'étranger quasi obligatoire. Donc moi, j'ai un parcours dans la norme, avec une thèse en 99, 4 ans aux États-Unis, et puis commencer à passer les concours en 2002, en 2004, en 2005, et donc rentrer en France en 2003, réussir le concours en 2005. Et puis, donc, ce qu'on voit du coup se développer énormément, c'est après cette période de postdoc qui a toujours été plus ou moins longue à l'étranger, avec les réformes et les ANR, etc., ce qui se passe pour les biologistes, c'est une période de postdoc en France de plus en plus longue et prolongée. Et donc, on est passé d'un modèle où on avait en biologie toujours eu des financements, parce que c'est extrêmement difficile. On a une partie technique au laboratoire qui prend des journées entières et il est difficile d'avoir une activité de recherche en biologie associée à un travail même à temps partiel à côté de ça. J'ai jamais réussi à avoir un doctorant être capable de travailler à McDo le soir. C'est quelque chose qui est absolument pas possible chez nous, ne serait-ce qu'au niveau temps. Parce que les manips peuvent durer la nuit, des choses comme ça. Donc les thèses ont toujours été plus ou moins financées, souvent financées sur des libéralités à une époque. Et donc on a gagné ça avec les réformes. C'est-à-dire qu'on a perdu les thèses financées au noir, les thèses financées de la main à la main ou d'une association, etc. C'est devenu strict aujourd'hui. Les doctorants ne peuvent s'inscrire en thèse que s'ils ont un vrai financement, un vrai contrat de travail. Donc ça a été un énorme progrès. Et à côté de ça, il y a eu une réduction du temps de thèse qui doit être 3, 4 ans. Les 5 ans sont des thèses exceptionnelles. Mais ça n'a pas changé l'esprit des biologistes qui est en 3 ans, on ne forme pas un docteur en biologie, ça c'est pas possible, on ne sait pas ce qu'il vaut, il n'a pas fait ses preuves, donc il faut qu'il s'en aille, Voilà. Et puis maintenant qu'il est parti 4 ans, oui, mais on ne sait pas trop. Aux États-Unis, c'est facile de publier dans des grands journaux. Donc, il faut qu'il revienne en France et puis qu'il fasse ses preuves en France. Et donc, maintenant, on a ces fameux contrats ANR pour financer des gens et qu'ils fassent leurs preuves en France, qu'ils publient au même niveau qu'ils publiaient aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et tant qu'ils n'ont pas fait ça, ils ne sont pas recrutés. Et donc, j'étais venue essentiellement pour vous parler en tant que commissaire. Puisque en fait, je suis dans les commissions de recrutement à l'INSERM et vous montrer comment on voyait ces choses dégénérer. Donc, on a eu cette réforme sur la fin des libéralités, sur ces financements ANR qui permettent aujourd'hui d'avoir des vrais contrats de travail, c'est sans doute très bien, mais qui ont prolongé cette période post-thèse et en particulier cette période post-postdoc. Donc, on est des postdocs seniors pendant très longtemps maintenant. Et en parallèle de ça, ce qu'il y a eu comme grande réforme dans les recrutements de la fonction publique au CNRS et à l'INSERM, c'est la fin de la limite d'âge pour le recrutement CR2. C'est-à-dire qu'avant, on recrutait CR2 des gens qui normalement avaient moins de 30 ans, il me semble. Et puis on a décidé de faire sauter ça parce que c'était discriminatoire, parce qu'effectivement, les gens qui commençaient leur thèse à 30 ans, finalement, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc il y avait plein de très bonnes raisons pour ça. On l'avait demandé nous-mêmes, Sophie, rappelle-toi. Mais on avait demandé d'être recruté dans un certain temps après la thèse. Donc concrètement, dans les commissions, on joue quand même avec ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter CR2 et CR1 indépendamment. On va essayer de recruter CR2, quelqu'un qui est dans les 6 ans après la thèse. Voilà ce qu'on fait à l'INSERM. Donc on n'est plus du tout dans un profil de CR2. Comme monsieur, j'ai passé ma thèse il y a 2-3 ans. Non, nous on est à 6 ans. Alors 6 ans c'est le grand maximum, oui. Donc moi je fais mes petites statistiques, je dis oui c'est bien, 6 ans c'est le grand maximum. Bah oui, ils ont tous 5 ans de postdoc, effectivement, on a respecté. On les a recrutés CR2 et ils ont donc en moyenne d'âge 33 ans en CR2. Donc on a bien gagné là-dessus. Et puis les CR1, là, il n'y a plus de limite. Il n'y a que la fameuse limite du nombre de présentations. Et donc là, ça dégénère énormément, puisque sur les gens qu'on a recrutés cette année, ils avaient des thèses soutenues entre 1993 et 2006. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Et ils ont eu, au final, en moyenne d'âge, 38 ans, quand ils ont été recrutés. Et ils avaient une thèse entre 1993 et 2006. On a donc recruté cette année, en CR1, quelqu'un qui avait eu sa thèse en 1993. Donc, vous voyez la période postdoctorale, doctorale, que ça veut dire. Après, les conséquences que ça aussi, c'est ça joue beaucoup sur le ratio homme-femme, parce qu'en biologie, on est quand même beaucoup de femmes. Et ben, ça ne trompe pas, en CR2, on ne recrute que des hommes, parce qu'en fait, en CR2, c'est les étoiles filantes, c'est ceux qui ont publié dans Science pendant leur postdoc aux États-Unis. Et ceux-là, ils ont une chance d'être recrutés un peu jeunes. La femme qui a essayé de faire un bébé à cette époque-là, parce que finalement elle avait quand même 30 ans, c'était temps d'y penser, ben, c'est même plus la peine qu'elle attendra encore 10 ans. Et puis effectivement, au bout de 10 ans, on la recrutera CR1, parce que finalement c'est une travailleuse de fond et que progressivement elle a réussi à avoir un dossier qui tient la route. Donc ça a vraiment une conséquence sur le ratio homme-femme qu'on retrouve tous les ans. Et puis ça pose le problème de ce que c'est qu'un CR1, de ce que c'est qu'un CR2 et de ce que c'est qu'un DR. En fait, chez nous, puisque finalement, on se retrouve avec des gens qui se présentent CR1. Il y en a qui ont travaillé 10 ans comme chef d'équipe aux États-Unis, qui avaient leur propre grant, des choses équivalentes à l'ERC, qui jouaient avec des millions, etc. Et ils arrivent en France et on leur dit, ben oui, présentez-vous CR1. Et donc, à côté de ça, on a des jeunes qui ont 5 ans après la thèse et à qui on dit aussi, ben, présentez-vous CR1. Donc, comment on compare quelqu'un qui a dirigé une équipe de recherche pendant 10 ans, qui signait dernier auteur, et puis quelqu'un qui... voilà, à un profil CR1 tel qu'on l'entend, qui veut s'intégrer dans une équipe de recherche, qui veut travailler au sein d'une équipe et non pas comme chef d'équipe, moi tout seul, avec que des docs et des post-docs sous ma botte. Donc on a vraiment ce problème-là dans la façon dont on recrute aujourd'hui. Voilà, c'est grosso modo ce dont je voulais vous parler sur la façon dont ça avait vraiment... modifier la façon dont on recrutait les gens à l'INSERM. Et côté DR, je crois que tu m'avais dit que ça modifiait aussi un petit peu, entre DR2. Oui, enfin, ça modifie parce que en fait, il y a vraiment... Alors, la double politique extrêmement élitiste de l'INSERM aujourd'hui, c'est de se dire finalement, donc ces CR2, on n'en a plus, ça n'existe plus, de toute façon, enfin, ils ne sont pas mûrs, ils n'ont pas fait leurs preuves, donc ceux-là, ils ne devraient même plus exister. Donc depuis très longtemps déjà, le directeur général de l'INSERM a totalement inversé le ratio CR1-CR2. On recrute à 70% de CR1 pour 30% de CR2 à l'INSERM. En tout cas, on est encore à 60-40, mais tous les ans, on se bat pour remonter les CR2. Et puis, on a toute une politique de gens qui disent « Mais de toute façon, les gens, ils ne font pas leurs preuves avant 40 ans. Donnons-leur des bonnes conditions pour travailler jusqu'à 40 ans et recrutons-les directement DR. » Donc ça, c'est tout le principe des ATIPs à venir, donc que vous avez qu'il y a aussi au CNRS, donc sous le nom d'ATIP et qui s'appelait Avenir à l'INSERM. Et donc où en gros, on va donner un espèce de statut à des gens sans poste de la fonction publique pendant 3 à 5 ans, et puis on décide qu'on les recrutera finalement qu'à cette étape-là, sur le modèle américain des tenure track. Ou parce que voilà, c'est comme ça que ça se fait aux États-Unis, pourquoi on ne ferait pas pareil en France, puisqu'ils sont meilleurs que nous et qu'il faut faire tout comme eux. Donc on en est à un stade où finalement on recrute de plus en plus des gens au niveau des R2 par des contrats externes, au lieu que ce soit une promotion interne. Et on se retrouve avec la chose un peu paradoxale, qu'on va recruter un CR1 à quasiment 39 ans, et qu'en gros, on trouvera qu'à 43 ans, il est trop vieux pour se présenter des R2, quoi. Qu'en gros, on se présente des R2 entre 40 et 45 ans, et qu'après 45 ans, c'est même plus la peine d'y penser. Et donc, quand on a été recruté CR1 à 39 ans, espérer passer des R2 dans la foulée, c'est absolument pas pensable. Donc, on est en train de monter des gens comme ça, en parallèle, des carrières en parallèle, où il n'y aura plus jamais de progression possible, et avec de plus en plus de gens en fin de carrière qui sont bloqués au stade CR1, parce que simplement, ils ne se sont pas mis en avant, parce que simplement, ils ont fait un travail d'équipe qui est essentiel en biologie. En biologie, on ne travaillera jamais tout seul. On a besoin de gens qui forment les autres, on a besoin de gens qui sont à la paillasse, et ces gens-là passeront jamais DR. Ceux qui passeront DR, ce sera celui qui a fait ses 10 ans aux États-Unis, qui est rentré, qui a monté son équipe avec que des docs et des post-docs, qui s'est mis bien en avant, qui a décroché une ANR, une ATIP, qui sera recruté DR, et celui-là progressera. Ceux qui seront rentrés CR, CR1 ou CR2, qui se seront intégrés dans une équipe déjà existante, qui auront fait les petites mains dans cette équipe pour la faire marcher au jour le jour, ceux-là n'auront jamais aucune perspective de carrière. chouette, hein. Mais nous, on est dedans, puis on essaye de faire changer les choses comme on peut. Bon, sur ces mots très réjouissants, on peut peut-être quand même lancer un peu la discussion.